Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Louis-Hippolyte Lafontaine. Les Canadiens français vont heureusement se trouver un chef qui saura les grouper, les unir, mais aussi gagner la sympathie, l'estime et la compréhension d'une partie de l'opinion anglo-canadienne du Haut-Canada. Cet homme, c'est Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est à cette image de rassembleur et d'homme du compromis évoqué dans cet extrait de l'émission Les Grandes Heures du Canada, diffusée en août 1967, qu'on va souvent associer la figure de Louis-Hippolyte Lafontaine. D'abord farouche nationaliste lui-même, Lafontaine va graduellement s'éloigner du mouvement des Patriotes pour se transformer en défenseur de l'union du Haut et du Bas-Canada et pour plaider en faveur de l'établissement et de la reconnaissance d'un gouvernement responsable. Il est important de se rappeler les sacrifices faits par les patriotes, des gens déterminés à se battre pour qu'une véritable démocratie soit instaurée. Elle le fut quelques années plus tard. C'est un des plus beaux épisodes de l'histoire de notre pays. L'alliance entre Baldwin et Lafontaine. Baldwin de Toronto, Lafontaine du Bas-Saint-Laurent, qui se sont présentés dans le comté de l'autre pour montrer ce que j'exprimais tantôt, la capacité de s'unir autour de principes démocratiques qui ont légué, en 1849, la démocratie représentative au pays. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à l'Assemblée nationale, le jour de la fête des Patriotes, le 23 mai 2016, pour nous parler de l'héritage et du combat de Louis-Hippolyte Lafontaine. Je reçois Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. On va y revenir sur cette association entre Baldwin et Lafontaine qu'évoquait le premier ministre Couillard dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Mais d'abord, l'homme lui-même et surtout l'importance qu'a Louis-Hippolyte Lafontaine. Pourquoi, de quelle manière est-il important? Alors, c'est un personnage qui a été l'objet d'une sorte de culte pendant 100 ans, à peu près. Peut-être un peu moins. Si vous passez sur le boulevard Sherbrooke à Montréal, en face donc du parc Lafontaine, le parc Lafontaine, c'est pour lui, c'est pas Jean de Lafontaine, c'est pour Louis-Hippolyte ouais. Lafontaine. Vous avez cette statue qui a été inaugurée au tout début des années 30 et c'était d'un faste inouï. C'était diffusé, la cérémonie a été diffusée en direct sur les ondes de CKAC et Camillien Houde y était, le premier ministre Taschereau y était, tout le monde y était. Tout le monde, d'une certaine façon, se reconnaissait dans Lafontaine. Les nationalistes, puisqu'il avait fait ce discours en français, on en reparlera en 1842. Son premier discours au Parlement du Canada uni. Mais aussi les admirateurs des institutions britanniques, puisqu'il était la démonstration ouais. qu'on pouvait tendre la main à une autre nationalité, la nationalité canadienne-anglaise, et qu'on pouvait comme ça fonctionner à l'intérieur des institutions britanniques. Même les impérialistes reconnaissaient des vertus à Lafontaine, puisqu'il annonçait l'idée qu'au sein de l'Empire, il n'y avait pas fusion entre les peuples, mais bien collaboration entre les peuples. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, et c'est ça le génie des héros qui fédèrent des gens très différents, qui vont de Lionel Groulx à Camillien Houde, en passant par Alexandre Taschereau. Mais il a, objectivement, je dirais, une fiche importante. Premier francophone à être premier ministre, oui. premier ministre du Canada Est. Alors, donc, il a été un héros canadien-français, disons, jusqu'aux années 60. Après ça, les indépendantistes et nationalistes ont un peut le laisser tomber de son piédestal parce qu'on l'a jugé qu'il avait peut-être pactisé avec l'ennemi. Mais en effet, objectivement, ça a été un personnage très important. Très important dans, parce qu'il a été un acteur clé là, dans, lors d'un moment très dramatique dans l'histoire du Canada, du Québec. Un moment, l'année 1839, 38, 39, 40 ont été des années très sombres, très noires. Et lui, il a tenté de fixer une nouvelle ligne politique pour l'avenir. Il a été aussi celui qui, avec son collègue Robert Baldwin, a mis en place des institutions nouvelles, les institutions du gouvernement représentatif qui avaient été octroyées par Londres en 1848. Est-ce que c'est la suite logique des doléances de 1837? Les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. C'est loin oui. d'être clair que ce que réclamaient les patriotes en 1837-38 a été mis en application en 1848. C'est pas tout à fait la même, c'est pas la même chose dont oui. on parle, mais quand même, il y a des institutions nouvelles qui sont mises en place et un gouvernement responsable, oui. plus autonome, que va diriger Lafontaine avec Baldwin. Avant de revenir plus en détail sur ces grandes étapes, ces étapes factuelles inscrites dans l'histoire dont on vient de parler, un mot peut-être sur l'homme. Vous avez signé, Éric Bédard, une postface, la postface d'un livre qui est consacré à la correspondance de Louis-Hippolyte Lafontaine. Qu'est-ce que cette correspondance nous apprend sur l'homme d'abord? Il nous apprend que c'était un homme assez austère. On n'a pas affaire à un homme... Si on compare avec, par exemple, Louis-Joseph Papineau, on continue encore, grâce aux bons soins d'un certain Georges Aubin et de sa femme, à publier la correspondance monumentale de Papineau. Papineau a écrit des lettres sans fin à sa femme, à ses enfants, ouais. à ses amis, et des lettres dans lesquelles il s'épanchait, il expliquait ses perspectives sur le monde, un peu à la manière, à la limite, des aristocrates du 18e siècle. Eh bien, il était lui-même un seigneur, mais La Fontaine, c'est pas ça du tout. La Fontaine, c'est un homme austère, c'est un juriste, et c'est un homme qui craignait que les lettres puissent servir de pièce oui. à conviction pour instruire un procès, peut-être un jour contre lui. Il était probablement très un peu paranoïaque sur les bords. Il faut dire que lui-même s'était servi de correspondance privée pour nuire à des adversaires. Il avait fait le coup à son ami René Caron et René-Édouard Caron en 1843. Donc, un homme assez austère, un homme très studieux. Et quelqu'un qui est devenu avocat, non pas par dépit, parce que c'était la seule carrière qui s'offrait à l'élite canadienne-française laïque de son époque, mais par choix. Oui. C'était un authentique juriste. Et on le voit dans sa correspondance avec son ami Augustin Norbert Morin, qui a été une autre figure très importante, qui est à l'origine de Moronites. Hein? Mm-hmm. C'est le Augustin Norbert Morin de Moronites. Donc, on le voit dans cette correspondance, un homme qui aimait le droit, qui se passionnait pour le droit et qui raisonnait toujours avec une logique juridique et qui, par-dessus tout, craignait l'absence de droit. C'est-à-dire que l'absence de droit, le désordre, c'était la pire chose pour les individus et les sociétés. Ça, c'est fondamental. Dans tout ce qui suivra, vous le définissez d'ailleurs comme ça, comme un homme qui pense en avocat, un homme de loi d'abord et avant tout, pour qui l'état de droit, entre autres, est la meilleure garantie contre ce qui va permettre à chacun, à tous et chacun, d'être traité équitablement. Absolument. Revenons sur... l'évolution, vous disiez, les nationalistes, à un moment donné, au Québec, se sont un peu éloignés de cette figure de La Fontaine parce qu'il y a une transformation importante chez La Fontaine. Il est très, très proche du mouvement patriote. Il va faire de la prison et il va s'en éloigner. Donc, graduellement, il tourne le dos aux patriotes, adopte une approche beaucoup plus modérée. Ça va le conduire à appuyer l'acte d'union. Ça va le conduire à demander le gouvernement responsable. Pourquoi cette transformation? Comment s'explique-t-elle? On écoute d'abord un extrait de l'émission Les grandes Heures du Canada, diffusée en août 1967. La Fontaine est un de ceux qui apparaissent à la Chambre d'Assemblée vêtus d'étoffe du pays pour narguer les Anglais. Mais il se sépare de Papineau au moment où retentit l'appel aux armes qui doit mener à l'insurrection de 1837. Pendant que Papineau s'enfuit à l'étranger, La Fontaine reste sur place, essaie de limiter les dégâts, de canaliser l'insurrection sur une voie légale, et dès que les premiers coups de canon du soulèvement de 1837 se font entendre, il supplie le gouverneur de convoquer l'Assemblée pour éviter une catastrophe. Ce n'est que devant l'impossibilité de faire entendre raison à qui que ce soit qu'il gagnera Londres pour faire entendre là-bas la voix des Canadiens français et éviter le pire. On reviendra dans un instant sur sa plaidoirie londonienne, si je puis dire, Éric Bédard. Mais d'abord, cette transformation. Qu'est-ce qui se passe? Comment il s'explique? Un petit mot sur ses origines. C'est quelqu'un qui est né à Boucherville. D'ailleurs, on peut toujours visiter la maison où il est né. À Boucherville, il n'est donc pas originaire du bas du fleuve, contrairement à ce que dit le premier ministre tout à l'heure. Bon, petite rectification. Il a ensuite, c'est quelqu'un d'origine modeste. Il a perdu son père très jeune, élevé par son grand-père menuisier. Il est allé au collège de Montréal. Il était externat collège classique. On le surnommait la grosse tête. C'était un élève talentueux. Mm-hmm. Et il est admis au barreau en 1828 et il est élu député de Terrebonne en 1830. Durant les années 30, il est perçu un peu comme on pourrait dire une sorte de président d'aile jeunesse du Parti patriote. C'est un jeune député, il est tout jeune, là, 23 ans à sa première élection. Et lui et Augustin Norbert Morin s'imposent comme la relève du Parti patriote. Ouais. Il faut dire que Louis-Joseph Papineau, durant ces années, fait des pieds et des mains pour avoir vraiment la mainmise sur ce parti, puisque sa stratégie de contestation de l'administration coloniale était contestée par des gens de Québec. On trouvait parfois qu'il allait un peu trop loin. C'était le cas de John Neilson, qui va le laisser tomber durant les années 1830. C'était aussi le cas du nouveau beau-père de La Fontaine, un certain Amable Berthelot, qui était un avocat bibliophile de Québec. Il va épouser sa fille Adèle en 1831. C'était un homme qui avait pris ses distances de Papineau. Il trouvait qu'il allait un petit peu trop loin, qu'il allait trop dans la perspective des institutions républicaines à l'américaine, oui. alors que beaucoup de gens étaient encore très attachés aux institutions britanniques. Et donc, mais dans ce contexte-là, La Fontaine choisit son camp. Il choisit la ligne Papineau, la ligne dure, on pourrait dire, les 92 résolutions, c'est-à-dire un plaidoyer en faveur d'une réforme vraiment importante de la colonie, oui, laquelle propose notamment l'élection des membres du Conseil législatif. Et La Fontaine parfois prend la plume pour accuser ceux qui tournent leur veste en faveur de l'administration coloniale, pousse même Papineau à aller plus loin dans les revendications du type « abolissons le régime seigneurial ». Et donc, il a ce tempérament bouillant. Et jusqu'en août 1837, il tient des discours qui me laissent croire qu'il opte pour la ligne dure. Radicaux. Oui, plutôt radicaux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ben voilà. Contre toute attente, en novembre 1837, alors que les gants sont tombés, que les affrontements commencent, que la guerre est commencée, eh bien, La Fontaine tourne le dos à cette optique d'affrontement et La Fontaine souhaite le rappel du Parlement. Parce qu'il faut bien voir que le gouverneur a décidé de laisser tomber les institutions. Enfin, il n'y a plus d'institutions représentatives qui tiennent. Et en appel à Londres pour la loi martiale, la suspension des droits civils. Et donc, tout à coup, La Fontaine, durant le mois de novembre 1837, dit non, il faut absolument que le Parlement siège à nouveau. Cet état d'anarchie est le pire des états. Mmh. Et on comprend dans sa correspondance qu'au fond, ce qu'il craint par-dessus tout, c'est le règne de l'arbitraire. Oui. C'est le règne de cette petite minorité du Montreal Constitutional Association, de Montréal, donc, qui sont tous les marchands britanniques qui veulent la ligne dure, qui souhaitent suspendre les institutions représentatives. Et donc, de son point de vue, le danger qui guette les Canadiens français, c'est l'acadianisation. Mm-hmm. Et il est convaincu, et là-dessus, il se rallie à la position d'un Étienne Parent, il est convaincu que les Américains ne vont pas soutenir le soulèvement des débats canadiens. Donc, sans l'appui des Américains, nous sommes seuls face aux Britanniques et sur les champs de bataille, donc, c'est la défaite assurée. Ouais. Autrement dit, il faut absolument qu'on rétablisse les institutions constitutionnelles, qu'on rétablisse le Parlement et qu'on renoue le dialogue, qu'on trouve des solutions négociées. Et c'est ce qu'il va plaider carrément à Londres. Exactement. Puisqu'il voit que cette voie est sans issue, puisqu'il voit que le gouverneur a fait son lit, que maintenant c'est Colborne qui est aux commandes, et donc ses amis du Montreal Constitutional Association, il décide d'aller à Londres, à peu près sans mandat. Il quitte par la Beauce, la rivière de Kennebec, prend un transatlantique, se rend à Londres. Mais lorsqu'il arrive à Londres, en janvier 1838, il est trop tard. La décision de Londres a été prise de suspendre les institutions et d'imposer le Conseil spécial, qui est un espèce de conseil là, qui mm-hmm. va décréter les lois pendant deux, trois ans. D'ailleurs, le Bas-Canada a été soumis à une médecine plus sévère que le Haut-Canada, qui n'a pas eu, même s'il y a eu des rébellions, qui n'a pas eu de ce genre de conseil spécial. Il va quand même poursuivre dans cette voie de la modération, appelons ça comme ça, on le rappelle, ce nationaliste farouche, presque radical, qui plaide pour le maintien des institutions et qui va donc, dans le même ordre d'idée, Éric Bédard, décider de défendre l'acte d'union. C'est pas rien, ça, quand même. Bon, alors, c'est-à-dire que là, quelles sont les options qui se présentent aux Canadiens français en 1840-1839? Il y a deux options. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. La première, c'est est-ce qu'on demande le rappel de l'Union? Est-ce que Londres annonce l'acte d'Union? Et là, on dit donc, il y a un certain nombre de gens qui disent non, c'est inacceptable. Hein? On veut ni plus ni moins que le statu quo. Le statu quo ou éventuellement l'annexion aux États-Unis. Alors, certains préfèrent l'annexion aux États-Unis que le statu quo. Ça sera le cas bientôt de Louis-Joseph Papineau, quand il reviendra de son exil. La deuxième option, c'est on accepte l'union ou on se résigne à l'union, mais on tente d'aller chercher des gains, de faire des gains. Ouais. Et on tente de trouver dans le rapport de Rome des éléments qui nous permettraient d'avoir un peu plus d'autonomie et de pouvoir. C'est ce qu'on va appeler bientôt la responsabilité ministérielle. Mais la troisième option, qui est celle auquel auraient rêvé les indépendantistes des années 60 jusqu'à aujourd'hui, l'option indépendantiste, mm-hmm. elle n'est pas sur la table, mm-hmm. elle n'est pas discutée. Elle n'est pas dans le décor, donc on ne peut pas en vouloir aux hommes de l'époque de ne pas l'avoir envisagé. Personne n'en discutait. Et La Fontaine, donc, va dire, on revient à cet homme de droit. Donc, on se résigne. À cette tête de l'homme de loi qui dit, fonctionnons dans le cadre et essayons d'y tirer le meilleur parti possible. Exactement, puisque si on demande le rappel de l'Union, on s'en va vers un nouvel affrontement et on est comme épuisé, il n'y a plus cette énergie pour triompher. Donc, allons-y vers une sorte de... Résignons-nous à l'acte d'union et tentons de tirer le meilleur. Et c'est là qu'arrive, on revient au début de l'émission, à l'extrait qu'on entendait, l'extrait de Philippe Couillard, c'est là qu'arrive Baldwin, Robert Baldwin. De quelle manière, cette collaboration, comment on pourrait la définir? Bon, alors, cette collaboration, c'est qu'au fond... On se rend compte que dans le Haut-Canada, puisque la nouvelle colonie s'appellera le Canada uni, il y aura le Haut et le Bas-Canada, le Québec et l'Ontario, et au fond, les réformistes, comme on va bientôt les appeler, du Bas-Canada, Morin, La Fontaine et quelques autres, vont dire ben, on a des vis-à-vis au Haut-Canada, en Ontario. Hein? Nos vis-à-vis, ce sont les libéraux, ce sont les Baldwin, les Francis Hincks et d'autres, qui eux aussi combattent les Tories, qui eux aussi combattent ces gens qui ont une vision très traditionnaliste des institutions britanniques, qui veulent tout contrôler, parce qu'ils disent qu'ils sont arrivés avant les autres, etc., ou qui sont plus fidèles à l'Empire que d'autres. Et donc, il y a face à nous des libéraux. Tentons de voir avec eux d'établir un programme, ou un programme, mais qui respecterait les différences de chaque colonie. Donc, ce qu'on appellera bientôt la double majorité. Donc, on a chacun nos façons de faire, nos institutions, mais essayons de nous entendre sur un cadre commun, et c'est ce qu'on va tenter de faire avec les réformistes du Haut-Canada. Et les deux, donc, les deux groupes culturels, linguistiques, mais les deux hommes, La Fontaine et Baldwin, vont travailler à l'obtention de ce gouvernement responsable. Baldwin va même, parce que La Fontaine va se retirer d'une élection pour ne pas que ça tourne au vinaigre. En fait, ces militants peuvent même pas aller voter, pour faire une histoire courte. Oui. Et Baldwin va le faire élire à Toronto, va lui donner un des sièges qu'il avait. Donc, la collaboration... Et vice-versa. Et vice-versa. Et Baldwin va se faire élire à Rimouski. Si vous allez à Rimouski, il y a un petit parc qui s'appelle Baldwin pour honorer cette mémoire. Quel impact va avoir, quel poids ça va avoir dans la psyché canadienne, je dirais? On écoute le philosophe John Searle en parler à l'émission Tam Tam Canada en 2011. Je suis devenu convaincu que si Cartier venait ici dans le studio au McDonald's et on disait, et alors pour vous, vous avez fait des bêtises. On sait que vous avez fait des bêtises, corruption, réelle, etc. Mais vous avez aussi fait des choses bien. Et quel était votre modèle pour tout ce que vous faisiez? Je suis absolument convaincu que les deux, Cartier, McDonald's et tous les autres diraient, mais c'est La Fontaine et Baldwin, c'est clair et net. Est-ce que McDonald et Cartier et Éric Bédard seront les héritiers de La Fontaine et Baldwin? Oui, d'une certaine façon, je pense que ce n'est pas exagéré de le dire. Ils sont très différents quand même, comme personnalité et comme style d'homme politique. Mais oui, ils ont certainement amorcé quelque chose. Ils ont certainement inspiré une sorte de collaboration entre deux nationalités. Oui, certainement. Et qui va marquer, je reviens à cette notion de psyché canadienne, mais en tout cas, mettons, au moins pour le Canada anglais, pour les fédéralistes au Québec, ça va être très, très important dans l'imaginaire collectif, cette collaboration entre Baldwin et La Fontaine. Je ne suis pas convaincu que ça soit encore très important aujourd'hui. Moi, ma thèse, c'est que le Canada a été complètement refondé en 1982. On est dans un autre paradigme. Ouais. Mais pour quelqu'un comme John Searle, en effet, John Searle a beaucoup écrit sur ce sujet pour dire qu'au fond, il existerait une sorte de civilisation canadienne complètement distincte du modèle européen de l'État-nation et que cette civilisation canadienne est fondée sur un esprit de collaboration, sur une redéfinition des rapports entre nationalités distinctes. Mm-hmm. C'est peut-être un peu lyrique comme perspective. Moi, je crois que La Fontaine, et peut-être même Baldwin, mais en tout cas La Fontaine que je connais mieux, était beaucoup plus pragmatique. Il voyait très bien que le rapport de force des Canadiens français était extrêmement limité et il a simplement cherché à tirer le meilleur parti des circonstances. On boucle un peu la boucle. On parlait de sa transformation sur le plan du nationalisme et de ses idées nationalistes. C'est important. C'est une question fondamentale quand on parle de La Fontaine. Pour essayer de mieux comprendre où le situer parmi les figures nationalistes, ce que je vous propose, en fait, c'est d'entendre un extrait du discours qu'il va prononcer, son premier discours au Parlement, le 13 septembre 1842. Il décide de faire son discours en français. Il ne le peut pas, techniquement, mais il fait son premier discours en français. Et voici ce qu'il rétorque à l'adversaire qui lui dit « Mais pourquoi diable parlez-vous cette langue? » L'honorable membre qu'on nous a si souvent représenté comme un ami de la population française A-t-il oublié que j'appartiens à cette origine si horriblement maltraitée par l'acte d'union? Si c'était le cas, je le regretterais beaucoup. Il me demande de prononcer dans une autre langue que ma langue maternelle le premier discours que j'ai à prononcer dans cette chambre. Je me défie de mes forces à parler la langue anglaise, mais je dois informer l'honorable membre, les autres honorables membres et le public du sentiment de justice duquel je ne crains pas d'en appeler, que quand la même connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle de la langue française, je n'en ferai pas moins mon premier discours dans la langue de mes compatriotes canadiens français, ne fût-ce que pour protester solennellement contre cette cruelle injustice de cette partie de l'acte d'union qui tente à proscrire la langue maternelle d'une moitié de la population du Canada, placée par l'acte d'union dans une situation exceptionnelle d'infériorité politique. Si nous devons succomber, nous succomberons du moins en nous faisant respecter. Que nous dit Éric Bédard cet extrait, ce discours en français de 1842 sur le nationalisme de La Fontaine? Alors, c'est une chose très importante. Il faut se rappeler que l'acte d'union proscrivait le français. Le français n'était plus une langue officielle de la colonie. Et pourtant, 60% de la nouvelle colonie, en gros, peut-être un peu moins, était de langue maternelle française. Et donc, lorsque La Fontaine décide ce 13 septembre, c'est bien ça, hein, ce 13 septembre 1842, date symbolique de la bataille des Plaines d'Abraham, décide donc de prendre la parole en français. Il défie, d'une certaine façon, la loi. Et il indique clairement, non seulement à ses compatriotes, mais à l'ensemble du Parlement, que cette langue doit continuer d'avoir droit de cité. Et d'ailleurs, il en viendra avec ses collègues à rendre cette langue légitime, légale, au Parlement, à la fin, quelques années plus tard, en 1848. Et c'est très éloquent de sa manière de voir, de fonctionner, de sa stratégie, finalement. Oui, et justement, Lionel Groulx dira de ce discours que c'était un geste d'action française. Donc oui, c'était une forme de nationalisme, mais de nationalisme culturel. Donc nous acceptons, en gros, les règles du jeu qui nous sont imposées par l'Empire. Nous tentons de tirer le maximum de ces institutions et la défense qu'on fera du nationalisme ou de notre langue sera une défense de nationalisme culturel et on ne met plus en question le régime. Au fond, c'est ça les bases de la survivance. Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC. Merci infiniment, Éric. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Vaillancourt. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.